Hey! Salut à tous les passionnés de jeux vidéo, ici Dovahkiin, c'est site FactorGeek.com et je vous présente mon équipe. Salut, c'est Krieger. Salut, c'est JS. Salut, c'est Slex. Allô, Vanessa. Sir Maximum. Bon, là, c'est sûr, vous avez compris, il en manque quelques-uns, là. On est ici pour vous présenter un excellent podcast, un excellent site Internet. On est ici pour vous présenter une belle gang, une belle chimie. Tu sais, quelque chose qui se tient bien, là. Tu sais, je suis ici pour vous présenter la force. Ah non, c'est vrai. C'est quoi, donc? Ah oui! Accro des jeux! Donc, là, asseyez-vous tranquillement, là. Préparez-vous à écouter quelque chose d'extraordinaire. Là, non, non, pas la force G, accro des jeux, OK? Répétez après moi, accro des jeux. Ça va comme suit. Allez-y, ça commence maintenant. Salut les accros, c'est le Big Ben. Antithèse. Juste un gamer. Et Tester Alpha. Pour le podcast des accros, bienvenue à l'édition du 12 novembre 2013. Salut, comment ça va? Ça va numéro 1. Ça va bien. Alors, grand nous. Alors, on est de retour finalement sur Hangout après 2 semaines de dérive sur Skype. Et nos fans sont très, très, très contents de nous écouter présentement live sur YouTube. Alors, on est très, très contents de vous voir. D'ici là, quoi de neuf, les gars? C'est dur de dire du neuf quand on s'est vu, genre, deux jours. Mais il y a quand même du neuf côté nouvelle gaming, par exemple. Oh, ça, c'est intéressant, mais dans ma vie, effectivement, pas grand-chose hein, comparé à récemment. Il faut se dire, d'abord, on a eu juste un gamer qui s'est déplacé de sa ville de Québec, Chiri, pour descendre dans la ville machiavélique de Montréal, afin de passer du temps avec les autres accros. Il a adoré, effectivement, je pense bien. Il va pouvoir nous confirmer ça. J'ai aimé le monde, mais pas la ville. Pas la ville. Il y a eu beaucoup de choses qu'on a fait en fin de semaine. Tout d'abord, faut parler du samedi qu'on a fait la fameuse file d'attente. Oh mon Dieu. Vous avez fait de la fameuse file d'attente. Oui. Moi, si je l'aurais fait avec vous, par exemple. Oui. C'est sûr et certain que si tu étais au courant du début, il fallait que tu y ailles. Ceux qui se demandent, ceux qui se demandent qu'est-ce qui se passait, c'est que il y a eu une promo de Future Shop qui a été annoncée vendredi soir. Et la promo, c'était que si vous apportez n'importe quel jeu, PlayStation 3, Xbox 360, Wii U ou 3DS au magasin, vous aviez le droit d'échanger ce jeu-là pour soit Battlefield 4, Assassin's Creed 4, Black Flag et Call of Duty Ghost. On est arrivé là. J'ai vu ça samedi matin quand on s'est levé. Je montre ça à Jug. Jug fait OK, on y va. On est descendu avec des jeux de marde. C'est le cas de le dire. Ça donnait, Jug, que tu te promènes avec tes jeux de marde sur toi. C'est ça que t'es en train de me dire, finalement. Non, c'est que moi, j'avais des jeux de marde. Ouais, okay, il m'a donné un jeu de marde. Ok, ouais. On a donné deux jeux de marde. Alors, Jug, c'était quoi ton jeu de marde? Table Tennis, là, le jeu de Rockstar. Juste à dire le nom, tu pars à rire tellement ça. J'ai échangé ça contre Assassin's Creed 4 pour les Wii U. Hey, là, c'est de ça que je suis jaloux. Là. J'ai la Wii U, mettons que j'aurais aimé ça avoir Assassin's Creed. Assassin's Creed. Ah, ouais, t'es capable. Vas-y. Assassin's Creed 4 pour la Wii U. Merci. Il est arrivé. Tandis que moi, ben, j'avais Brink au PS3. Un jeu qui passe de commentaires. Et je l'ai changé pour Call of Duty Ghost. Et c'était mon deuxième choix, parce que mon premier, moi aussi, c'était Assassin's Creed. Mais j'étais arrivé, genre, après que la dernière copie du jeu a été donnée. Fait que je n'avais pas le choix de prendre un autre jeu. Alors, c'est ça que j'ai fait. J'ai pris ce jeu-là. C'était pratiquement se faire payer 20$ de l'heure pour attendre aux frais. Tout à fait. Surtout toi. Ouais. Faut dire, t'as été malchanceux, là. T'es arrivé avec une petite veste de printemps, genre pour quand il faisait comme 2-3 degrés dehors, là. Je sais bien, mais au moins, vendredi, quand je suis parti, il faisait chaud. Quand je suis arrivé à Trois-Rivières, il faisait frais. On le check pas météo, toi, quand tu pars en voyage? Non, pas de temps à perdre avec ça. Okay, bon. Et après ça, ben, on est allé passer la soirée au Funzo. Oui. T'as découvert ce fameux bar de Montréal. Comment tu l'as trouvé, ce bar-là? J'ai bien aimé. L'ambiance est cool. Puis ben, le fait que les arcades soient free-play, déjà en partant, c'est une bonne chose. Mm-hmm. J'ai aimé le setup là, avec l'espèce de siège rouge. Là. Les gros divans rouges, là, Ikea. Avec les consoles puis toutes les kits, là, ça c'était génial. Là. Génial. Puis on s'est tapé une petite game de Catan là-bas, puis ouais, c'était bien chill, on a bu de la bière. Puis, on se ramassait avec plein de moutons puis plein de briques. Qu'est-ce que tu faisais avec tes moutons, mon petit coquin? Absolument rien. Surtout lorsqu'il est arrivé à dire Who got wood for sheep? Mais il l'a fait en français, tu sais, genre, j'ai fait He's got wood for sheep. La fameuse joke de Catan est sortie dans la soirée, puis on n'est même pas rendu compte, c'était drôle. Non, même pas. Et dimanche, on a passé du temps ensemble, les gars. Eh oui. Et vous allez voir les résultats demain, peut-être. C'est ça que t'as dit? Il y a une grosse chance que je sois capable de produire quelque chose pour demain, là. Mais là, attendez-vous à quelque chose qui va durer une vidéo d'une demi-heure, facile. On l'avait prédit, ça. Ouais. T'as-tu commencé à travailler dessus? Oui. J'ai fait ça toute la journée. Puis je suis encore en train de le faire, puis je vais probablement, juste parce que j'ai trop hâte de voir le résultat, travailler là-dessus toute la nuit. Yes sir! C'est pas d'être en vacances. Ouais. Mm-hmm, effectivement. Okay, je vais essayer d'avoir ça pour demain soir, là. On va essayer. C'est à voir absolument. Ouais. Puis côté jeu, c'est avec quoi vous jouez ces temps-ci? Wow. C'était une expression, ça, ou c'était le non, jeu non, que tu jouais? Le jeu, wow. Wow! Antithèse va dire quoi? Vous avez réponse. Project. Allez, Prozone. Ben non, mais c'est vrai. Mario Party 8. Hein? Mario Party 8, ben oui. C'est ça que tu disais en fin de semaine. Vous l'avez bien eu, hein? Non, mais j'ai aussi joué à Mario Party 8 pendant ce temps-là, puis Pocket Fighter. Ben, pour me remémorer des bons souvenirs, des excellents souvenirs, que dis-je, quand j'étais au cégep, ça j'en parle dans une critique, c'est sûr, dans deux semaines. Ouais, j'ai rejoué à Final Fantasy Theater Rhythm. Theater Rhythm, c'est ça? Ouais, c'était très très bien, moi. Puis, ben ça, je suis en train de préparer une vidéo pour ça aussi. Je te dirais que Theater Rhythm, ça a un titre plus kick-ass que le sous-titre original, entre toi et moi. C'est quoi le sous-titre original? Tetra Redim, je pense, ma affaire de même. Je préfère ce que tu as dit. Moi, je le lis comme c'est écrit, là, puis ça commence par Théâtre Redim. Ok. Moi, je dis Theater Redim, fuck off. Fuck that, là. Tu le dis comme tu veux, puis ça finit là. C'est ça. On sait c'est quoi pareil, mais ça demeure que c'est plus cocasse. Ouais, c'est. Puis c'est ça. Ben, j'ai réussi à faire du footage pour ça. Donc, j'ai testé pour la première fois comment enregistrer le 3DS pour que ça a de l'allure. Là. Bon, ouais. Le programme à 250$ qui... Non, comme tous les reviewers font, là, ils dans le noir, là, avec la caméra, c'était comme faux, puis les 3DS collés sur la table, puis tout le kit, là. Ah, ok. Ouais, c'est sûr, mais c'est juste que, dans le fond, je te dis ça, parce qu'effectivement, il existe un programme pour faire de la capture de 3DS, c'est juste que ça... très cher. Le module, il coûte les yeux de la tête, là, fuck off. 250, moi, comme je te dis. Où ça, 250? Parce que moi, j'ai la seule chose que j'ai vue qui capturait le DS, c'était une affaire pour les médias, puis ça coûtait quasiment 1500. Attends, je vais te chercher ça pendant qu'on continue le podcast, ça va prendre 5 minutes. De mon côté, j'ai commencé ma game de Resident Evil 2. Parce qu'on jouait de Resident Evil, j'ai fait comme « Ah, je vais jouer à Resident Evil 2 sur la PS3. » C'est la PS3, et c'est laid sur une grosse télé. Oh my! C'est sûr. Ouf! Oui, c'est vraiment laid, là. Tu vois, genre, des gros pixels dans les personnages, là, pas d'expression, là, c'est comme... On a l'air plus de l'air des zombies que des zombies aux autres mêmes. C'est quelque chose. Et sinon, sur ma 3DS, en ce moment, c'est Zelda Oracle of Age. Et je me prépare tranquillement pour le nouveau Zelda qui sort dans... Dans deux semaines! Oui, c'est ça. Dans deux semaines, oui. Dans 10 jours! Dans 10 jours, même! Et dans 10 jours, Jug va recevoir une nouvelle console, de ce que j'ai compris. Ben oui, je vais même préparer une autre vidéo pour ça, pour le bundle de Zelda... le bundle de Zelda Link Between Worlds sur 3DS. Ça va être cool. Oui. Je vais pouvoir profiter de mon premier pixel art aussi. Ouhou! Alors, vous allez voir ça prochainement. En passant, Marie-Lune me fait un petit message pour vous dire si jamais vous êtes intéressé à savoir ce qui s'est passé durant la fin de semaine. Marie-Lune, elle a sorti une vidéo sur sa chaîne privée où elle parle de ce qui s'est passé durant la fin de semaine de Jug à Montréal. Ouhou! Alors, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir sur sa chaîne privée. Alors, je pense qu'on va être côté nouvelles, parce qu'il y en a beaucoup. Êtes-vous prêts, les gars? Ben oui, absolument. À la tâche! Alors, c'était le BlizzCon en fin de semaine passée, et vous savez que ça veut dire BlizzCon, ça veut dire des grosses nouvelles du côté de Blizzard. Alors, vous savez qu'est-ce que nous allons jaser? Entre autres? Warlord of Draenor! Qui est la cinquième... C'est la cinquième expansion de World of Warcraft qui va sortir une date, on ne sait pas quand, mais qui propose beaucoup d'ajouts pour ce qui est de cette expansion-là. Tout d'abord, le jeu va sortir, le jeu va vous proposer un nouveau continent qui s'appelle Draenor, qui est le continent d'origine des orques. Donc, c'est intéressant parce qu'on va retrouver un petit peu le jeu de départ de... En fait, ça ressemble énormément à Outlands, mais refait. Et la map est très, très semblable à Outlands, mais refaite pour refléter de quoi avait l'air le continent avant l'invasion de la Burning Crusade et compagnie. Là. Avant la corruption de la planète, puis avant que les continents se séparent, etc. Et voilà, oui. Bon, il va y avoir également les personnages sont refaits. L'engin de WoW est quand même vieux, là, il date de 2004, fait que un petit update côté graphique, ça va faire des côtés graphismes, désolé. Merci Ben. Ça fait plaisir. Je me fais corriger. Et oui, c'est ça, les gros niveaux graphismes sont très très intéressants, sont un petit peu plus beaux, beaucoup plus léchés. J'allais dire qu'il y a beaucoup plus de détails dans les polygones, dans le fond. Les polygones des personnages, là, c'est beaucoup mieux fait. Effectivement. On a également on peut construire notre propre garnison. Ça, je suis intéressé à voir qu'est-ce que ça va donner. Je pense surtout côté PVP. Je pense qu'il va y avoir du PVP dans ce sens-là. Ils n'ont pas bien expliqué de ce que j'ai vu, mais c'est que finalement la garnison, c'est que vous allez pouvoir contrôler une sorte de petite cité à vous, et lorsque vous allez rencontrer certains PNJ dans certaines quêtes, ben ils vont venir s'ajouter à votre garnison, vous allez pouvoir la grossir, puis envoyer des personnages faire des quêtes à votre place. Alors là-dessus, j'ai hâte de voir ça, mais je me demande en même temps si ça va être surtout d'un ajout PVP, selon moi, là. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Un truc PVP, non, moi je pense pas. Ça va être phasé dans le sens que si tu es dans ta garnison, tu vas être le seul à pouvoir voir ta garnison à moins que tu invites quelqu'un. Il n'y a pas personne de l'extérieur qui te connaît pas qui va voir ta garnison. Fait que ça va être tout phasé. C'est sûr et certain que c'est. Donc, tu es protégé. PVP, oui. C'est vraiment pour toi, là. Ça va être à toi, tu vas être le seul à le voir, tu vas pouvoir inviter tes amis dedans, mais si tu n'invites personne, il n'y a personne qui va pouvoir le voir. D'accord. Moi, je pensais que c'était plus FPVP, parce que de toute façon, j'aurais vu ça, tu fais une quête, puis ta garnison se fait attaquer. Mais non. Ça n'aurait pas de bon sens. Imagine un serveur high population avec une armée de personnes qui se font des garnisons partout à Stormwind et dans les environs. Ouais. Il n'y aurait pas de place à la map. Là. C'est impossible. C'est sûr. C'est tout phasé, là. Sinon, mm-hmm. ça marche pas. Également, le niveau est augmenté à 100. Oui. Ben, c'est l'ajout normal, on s'entend. C'est ce qu'on s'attendait à avoir. Plus ou moins, en fait. Je peux-tu te contredire encore là-dessus? Ben, tu pensais qu'elle allait monter de 5 niveaux? En fait, oui, parce que quand on est arrivé au level 80, l'expansion d'après nous permettait, avec Cataclysm, d'aller jusqu'à 85. Ouais. Mist of Pandaria est arrivé, ça a monté de 85 à 90. Donc, en toute logique, on s'attendrait à ce que ce soit de 90 à 95. Ouais. Mais non, c'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont fait de 90 à 100. Mais finalement, ça va prendre le même temps, si tu veux. Exemple. Passer de 85 à 90 à Mist of Pandaria, ce temps-là que ça prend, ça va prendre le même temps pour passer de 90 à 100. C'est juste que la différence, c'est que là, c'est échelonné sur 10 niveaux. Fait que c'est beaucoup plus facile pour le gear, c'est beaucoup plus intéressant aussi pour quelqu'un qui level de voir ses gains petit à petit. Parce que sinon, le dernier niveau, là, de 89 à 90, là, il était tellement long que ça décourageait des gens. Puis bon, enfin, c'est pour ça qu'ils ont fait ça, finalement. Peut-être. Mais de toute façon, ça n'empêche pas que dans la prochaine expansion, après, ils peuvent dépasser le 100. Je pense que ça ne leur posera pas de problème. Là. Ben oui. Ben oui. Autre nouveauté également, un boost. Vous allez avoir un boost pour un personnage qui vous allez pouvoir le monter automatiquement niveau 90. Ça, là-dessus, je vous avoue, j'ai eu peur. Pourquoi? Parce que je me dis, il me semble que tu vas avoir... La personne qui va avoir fait du niveau 1,90, est-ce qu'ils vont avoir un avantage sur le personnage qui est monté niveau 90 automatique? Ça, c'est quelque chose que j'ai hâte de voir. Pourquoi? Non, mais ça n'a pas rapport, là. OK. Dans WoW, là... Ouais. À moins que tu sois altolique, là. Altolique, ça veut dire que tu veux juste faire des haltes, tu veux juste monter des bonhommes, là. J'en connais, oui. Oui, OK. À moins que tu sois comme ça, là. Ouais, non, je ne le suis pas. OK, bon. Si t'es pas de même, tu devrais certainement savoir que le jeu commence réellement quand t'es max level. C'est vrai. Bon, c'est là que tu commences à jouer pour de vrai. Là. Le leveling, c'est juste une formalité. Là. C'est vrai. Fait que... Ton bonhomme level 90, ben il faut que tu le montes level 100 parce que sinon tu vas rien faire à level 90 là. C'est vrai. Tu le montes level 100 là. Fait que... Non, ils ont fait ça parce que ben, mettons que quelqu'un avait arrêté à Wrath of the Lich King, il veut revenir jouer, ben il veut pas avoir à grinder son bonhomme de level 70 à level 100. Non, il veut un bonhomme qui commence à level 90, qui va recommencer en même temps que tout le monde, en même temps que ses amis, tout le monde au level 90. Ouais. Puis quelqu'un qui commencerait à jouer live là aujourd'hui, ben quand la prochaine expansion va sortir, ben, lui son bonhomme serait aussi déjà à 90. Fait que là il y aurait juste le 10 niveaux à faire. Fait que non, c'est fair. Même que quelqu'un qui aurait déjà un niveau 90, ben ça lui donne un autre bonhomme gratis level 90 pour se faire un halt de profession ou whatever. C'est vrai. Puis de toute façon, veux pas, c'est sur un seul personnage, c'est pas comme ça. Ah oui. Tous ceux que tu veux, là. Fait que c'est sûr que, comme tu dis, si t'es un alcoolique. Les gars, là, fuck. Vous me donnez le goût de me réinscrire à WoW là, direct là. Ben, fallait. Je peux t'envoyer un scroll de resurrection si tu veux. Ah! Ben, c'est pas. C'est pas il y a un temps limite, mais sans pour les scrolls, hein. C'est un an? C'est pas un an pour les scrolls de resurrection? Je sais pas. Je peux t'en envoyer un pareil. Ben, moi, ça fait un crise de bout, j'ai pas joué à WoW, fait qu'il peut m'en envoyer un. Ok. Fait que regardez ça attentivement, ça peut être très intéressant. Fuck! Les accros vont tout en venir sauf Antithèse qui est jamais allé. Et c'est correct. T'es occupé à jouer à Project Crosszone, vous savez bien. Oui, c'est vrai. Il y a Battle 22, ça va être Zelda Link Between Worlds. Ouais. Alors, autre nouvelle également, côté Blizzard, on est déjà au courant que Blizzard sont en train de travailler déjà sur la 6e extension. Ils disent que nous n'avons jamais fait ça auparavant. Pendant que nous travaillons sur cette extension, nous avançons aussi sur la nouvelle. Nous savons que nous devons les sortir à un rythme plus soutenu que par le passé, donc nous investissons dans notre équipe et nos ressources pour nous permettre de le faire. Donc, attendez-vous peut-être à ce que l'extension après Warlord arrive plus vite que prévu. Ben, depuis la sortie de Myst, ils voulaient s'en tenir à des sorties à toutes les années et demie. Ce qui est possible, là. Ça voudrait dire prochaine extension cet été, genre. Ça serait... C'est dans les dates. C'est dans les dates parce qu'ils ont des... Ouais. De toute façon. De ce que je sache, il me semble que le contenu qu'ils nous ont sorti avec Myst pour ce qui est du raid dans Glimmer, il me semble que c'est pas mal ce qui reste dans les derniers. Là. Ils ont pas prévu d'autres. Oui. Le boss final, c'est Garrosh, puis il est disponible présentement. Là, fait que c'est ça. Fait que là, il faut qu'ils proposent le stock rapidement parce que pas, ils ont plus rien à proposer en ce moment. Là. Non, c'est ça. Fait que, regardez ça attentivement si vous êtes des gros tripeux de WoW. Également, d'autres nouvelles de leur part, c'est leur nouveau jeu de... Excusez-moi, c'est leur nouveau jeu qui nous ont annoncé, un style à la Dota 2. Heroes of the Storm. Excusez-moi, c'est à mon tour d'avoir de la misère à le dire. Heroes of the Storm, qui ressemble beaucoup à un Dota 2 ou à un League of Legends. Il va être free-to-play. Le monde qui ont pu être là-bas au BlizzCon ont eu la chance d'y jouer. Sinon, vous pouvez aller vous inscrire sur la page de Battle.net pour participer au bêta du jeu. Et il n'y a pas de date de sortie officielle encore d'EMI, mais ils veulent rester dans la compétition pour ce qui est des jeux de compétition finalement. Ça se voit ici. Et t'as-tu dit qu'est-ce qu'il y a de spécial avec ce jeu-là? Non, j'ai pas. Moi, je t'avoue que franchement, là, je suis pas intéressé par ce genre de jeu-là. Fait que j'ai comme pas regardé rapidement. Bon, ok. En gros, ça serait un petit peu comme du League of Legends, mais à place de tu sais, à League of Legends, il y a plusieurs héros où tu peux choisir. T'as un main character. Bon. Ben dans Heroes of the Storm, qui est l'équivalent de Blizzard, tu pourrais jouer n'importe quel personnage bien connu de Blizzard. Par exemple, tu peux jouer Diablo. Mm-hmm. Tu peux jouer le Lich King. Okay. Tu peux jouer Kerrigan de StarCraft. Okay. Tu pourrais jouer... Ils en ont montré quelques d'autres, là. Mais là... en tout cas, toutes les gros... Toutes les franchises. Tous les gros noms de Diablo, là, de Diablo, de WoW, de StarCraft, là, sont là. OK. Ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose pour ceux qui trippent sur ce genre de jeu-là. Moi, j'avoue que je trippe plus ou moins, mais il faudrait peut-être que je m'y investisse un petit peu plus parce que je pense que ça prend... C'est pas en une demi-heure qu'on découvre un jeu... comme celui-là. Moi, j'ai essayé League of Legends, puis j'ai comme débarqué après une demi-heure, je comprenais rien de ce que je fasse. Moi, faudrait que je l'essaye. Je l'ai jamais encore essayé. Mm-hmm. Fait que quand Heroes of the Storm, ben moi, je me suis inscrit pour le bêta de Heroes of the Storm. Mm-hmm. Si je suis chanceux, je vais l'essayer. Il y a également Hearthstone. Ah oui, non, ça j'ai suivi ça de près. on s'attend à ça. Alors, je te laisse parler de qu'est-ce qu'ils ont annoncé pour Hearthstone. Je t'avoue qu'ils n'ont pas annoncé énormément. Là, les panels de Hearthstone, c'était plus pour parler de comment est-ce que le projet a commencé ou par où est-ce qu'ils voudraient aller. Puis, tu sais, c'était rempli d'anecdotes de même. Mm-hmm. Sinon, ce qu'il y a de nouveau qu'ils vont annoncer, ils ont annoncé des nerfs de cartes. Là. Il y a des cartes qu'ils trouvaient vraiment trop fortes qu'ils ont nerfées, genre Mind Control de Priest, qui est vraiment... C'était vraiment trop une bonne carte. Là. Ils l'ont nerfé un petit peu en augmentant son cost. Là. Mm-hmm. Fait que ça va être mieux. Là. Des choses comme ça. Puis aussi, ils ont annoncé que il allait sortir éventuellement un contenu PVE. Okay. Donc, présentement, c'est 100% PVP. Là. Mais ils ont annoncé des aventures qui seraient PVE. Donc, ça serait contre des... contre l'ordinateur, finalement. Là. Mm-hmm. Et puis, à part de ça, ils ont aussi annoncé une augmentation du nombre de wins possibles dans l'aréna. Quand tu fais de l'aréna, c'est un mode de jeu. Là. Okay. Ça serait l'équivalent d'un draft. Là. Je ne sais pas si vous connaissez les TCG, mais enfin. Ça serait l'équivalent de ça, puis ils ont augmenté là, le nombre de wins possibles. C'est des petites modifications, pas très énormes. Puis sinon, ils ont annoncé une version promotionnelle pour les gens qui ont acheté le ticket de BlizzCon, en tout cas. Okay. Des petites affaires. On n'a pas appris énormément de choses, là. C'était surtout pour parler d'Hearthstone auprès de ceux qui ne connaissaient pas ça. Mais okay. si vous avez suivi Hearthstone depuis le début, il y avait des petites choses intéressantes, mais pas plus que ce que j'ai parlé. Juste pour vous dire également qu'il va y avoir une version iPhone, iPod Touch et Android du jeu de cartes également. Alors, il va y avoir une application qui va sortir sur les tablettes et téléphones mobiles. Yep. Ils ont parlé également de Diablo 3 sur PlayStation 4. La nouveauté, c'est qu'est-ce qui va être différent de la version PlayStation 4 que la version PlayStation 3? C'est que l'extension Reaper of Souls va être intégrée au jeu. Ah, c'est pas pire ça. Alors, lorsque vous allez acheter le jeu sur PlayStation 4, vous allez avoir un jeu complet. Ouh! C'est bon. Et le jeu, ça va être la version, ça va s'appeler Ultimate Evil Edition. Ultimate Evil Edition. Alors, je tiens à signaler que ceci était très spontané. Effectivement. Alors, vous allez pouvoir également incarner la nouvelle classe qui est le Croisé, afin de pouvoir continuer le la game. Croisé, c'est le Crusader, ouais. C'est en anglais, mesdames et messieurs. Oui, c'est parce que je suis sur un site francophone, alors les noms sont traduits en français de France. Les Croisés. Les Croisés. Je vais jouer Croisé. Autre nouvelle concernant un nouveau jeu de Seigneur des Anneaux. Qui va être très très intéressant, qui va s'appeler Seigneur des Anneaux, la Terre du Milieu, l'ombre du Mordor. C'est un scénario original qui a été créé par le studio qui le produit finalement. Et qu'est-ce qui va se passer, c'est que c'est une histoire qui se produit entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. On va contrôler le personnage de Talion, qui est un garde qui a vu sa famille massacrée sous ses yeux. Puis lui aussi, il est mort, mais il est ramené à la vie par un esprit de vengeance qui lui donne des pouvoirs spectrales, donc un petit peu comme un fantôme ou un... Je penserais plus vers un peut-être plus... je cherche le nom. Un Nazgûl. Peut-être ça ressemble plus à un Nazgûl. Puis on va comprendre un peu dans ce jeu-là qui est l'esprit qui l'a sauvé. Puis également, on va pouvoir voir le pouvoir des anneaux entre les différents personnages. Ça va être comme un third person, donc vu derrière du personnage. Donc le jeu va être très orienté action. J'ai hâte de voir ça parce que moi, je suis un grand fan de la série du Seigneur des Anneaux. Puis voir une histoire qui starte un peu de l'histoire originale du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Je pense que c'est une très bonne idée d'approche de jeu. On n'a pas de nouvelles quand ça va sortir, mais le jeu a été conçu en partenariat avec Peter Jackson et son équipe qui a créé l'univers du film. Maple Story 2 qui va sortir en 2014. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à Maple Story. Brièvement, c'est ça. C'est un free-to-play, veux pas, c'est un jeu qui est conçu surtout sur la microtransaction. Vous allez avoir un nouveau monde qui va être introduit dans ce jeu-là. Il va y avoir également du 3D isométrique. On sait qu'avant, c'était tout en quasiment 16 bits, le jeu. Alors, c'était très... ça ressemblait à un jeu de plateforme qu'on pouvait trouver sur PlayStation. Et pour les fans qui aiment ce genre de jeu-là, j'en connais un en particulier, je sais qu'il dépensait quasiment 50-60 pièces par mois dans ce jeu-là. Il va sûrement être là-dessus. Autre nouvelle également, on parle de la PlayStation 4. Il y avait des questions par rapport au changement du disque dur. Le monde pensait que si on changeait le disque dur de la console, on risquait de perdre la garantie de la console. Parce que veux pas, faut ouvrir la console pour aller changer le disque dur. Mais Sony a annoncé officiellement que si vous changez votre disque dur, il n'y aura pas de perte de garantie. Donc, vous allez pouvoir aller mettre un bon gros disque dur de 2 Teraoctets, ça ne posera pas de problème. Eh bien! Nice. C'est cool d'avoir besoin d'avoir fait ça. Bon, qu'ils doivent avoir les conditions pareilles à suivre. Là, je veux dire. C'est ça. Selon moi, ils doivent s'arranger. Pas facile, certainement. Ça doit être un compartiment spécial qu'on peut ouvrir sans ouvrir la machine complète. Là. Parce que veux pas, t'as quand même décelé dans la console pour savoir si t'as ouvert ta console. Fait que c'est probablement qu'il y a l'emplacement où est-ce qu'ils ont mis le disque dur, peut-être qu'il n'y a pas de scellé dans ce coin-là. Ça serait comme le nouveau, le bord? Comme le oh, oui, comme là en ce moment. Fait qu'il n'y aurait pas de scellé où est-ce qu'il y a en ce moment. Bon, standard. Mm-hmm. Et ben on va parler de également, nous autres, vous savez qu'on est des geeks, donc on adore jaser de d'autres sujets. Et on a eu un petit peu de nouvelles concernant le film de Warcraft. Et les principales sources qui parlent, c'est qui pour ce qui est du film, en tant que tel, l'histoire s'orienterait surtout dans le premier jeu de la série. On retrouverait l'univers du premier Warcraft avec les personnages du premier Warcraft. Oh wow! Donc, je pense que ça peut être intéressant parce que pour la plupart du monde qui joue à World of Warcraft, ils n'ont pas bien joué au premier jeu. Alors, c'est peut-être une bonne idée avec le médium du film de pouvoir revisiter cet univers-là sans être obligé de, comme Marie, de devoir jouer un RTS, que c'est pas réellement son genre. T'sais. Moi, je prends comme exemple Marie qui ne traite pas RTS, mais qui adore l'univers de Warcraft. Tu viens de me lancer dans une nostalgie, là? De Warcraft 1? Ah, oh, c'est bon. Ça a été mon premier RTS. Hey, j'avais ça sur disquette 3.5, là. Oh, oui. Mon patin! Ça rappelle des souvenirs, ça. Hey, tu sais qu'on a joué à ça, puis par modem, puis là, fallait pas que ta mère décroche le téléphone, parce que là, c'était la merde. Oh my. Non, moi j'ai connu le deuxième, parce que je l'ai sur PlayStation 1, fait que j'ai eu la chance de jouer sur PlayStation 1. Mais non, même moi, j'avoue que je serais très très content de pouvoir embarquer dans le... de pouvoir jouer à ce jeu-là. Mais de pouvoir rejouer à ce jeu, parce que ça a l'air que durant le BlizzCon, il y a un boss de Blizzard qui a dit qu'il y a une personne en ce moment qui travaille sur un projet de ramener les jeux, de ramener Warcraft et Warcraft 2 en version moderne. Ben, ça serait pas pire, ça, parce que, sérieux, là, faire fonctionner Warcraft 1, là, Orcs and Humans, là, avec Dustbox, là, c'est un chiard monumental. Oh, j'imagine. Tu sais, on veut pas, ils ont plein de jeux qui ont pas réédité depuis, là. Moi, je pense, Diablo 1, il est pas réédité. Je me pose la question suivante, pourquoi ils ont jamais sorti un module pour Warcraft 3 basé sur Warcraft 1? Peut-être parce que c'est un investissement trop coûteux, je sais pas. C'est pas coûteux. Il y a des fans qui l'ont fait, là. Imagine si c'était les gars de Blizzard, là. J'avoue. Autre nouvelle également, côté Netflix, une entente entre Marvel et Netflix pour produire 5 séries basées sur l'univers de Marvel. Exclusif à Netflix, conséquemment. Exclusif à Netflix, ce qui est très, très intéressant. Tout d'abord, la première série qui va être présentée sur Netflix, c'est Daredevil. Donc, on va peut-être pouvoir oublier le monde, l'affreusité de Ben Affleck dans le costume de Daredevil. Oh my God! Et vous voyez, même Antithèse est encore traumatisé. Oui, à vie! Après ça, on va avoir une série de Luke Cage, Iron Fist... et Jessica Jones. Je connais pas le personnage de Jessica Jones, par exemple. Est-ce que tu le connais, Antithèse? Jessica Jones? C'est pas plutôt Angelica Jones? Moi, je vois Jessica Jones. Est-ce que ça peut pas être Firestar, qui était à l'origine de l'émission L'araignée et ses amis, mais ça c'est une autre histoire. Je vais regarder rapidement si j'ai le communiqué en ce moment ici. Je pense que je me trompe de personnage. Oui, j'ai vraiment Jessica Jones. Jessica Jones. Attends, moi. Attends, là. C'est... OK. J'étais encore une bonne, hein? OK, c'est-tu un X-Men? C'est-tu un Avenger? C'est-tu quelqu'un? Je vais faire une petite recherche rapidement. OK. Ah, OK. C'est Power Woman. C'est la présente Power Woman qui... OK, ouais. Non, je connais pas. Ah, OK. Pas de problème. Mais bon, elle a fait partie de Alias qui était populaire dans le début du siècle, fait que ça doit être pour ça qu'il essaie de faire tirer avec ce personnage-là, j'imagine. Peut-être. Et non, je vais te mentionner ça, parce que là, je t'avais lire très rapidement sur Jessica Jones. Mm-hmm. Tu as mentionné Luke Cage. Luke Cage. Iron Man. Luke Cage, Iron Man. Iron Fist. Excusez-moi, merci. Iron Fist. Les deux sont habituellement un duo qui était assez populaire, à tout le moins, dans l'univers de Marvel. Et Jessica Jones est effectivement liée plus avec justement Luke Cage et Iron Fist. Est-ce que finalement, ils ont sorti ces séries-là dans le fond pour... C'est ce qu'ils vont finir ici. Les interrelier. Oui, parce que le tout va finir avec une mini-série qui va réunir ces quatre personnages-là. Puis ça va s'appeler The Defender. Oh, intéressant, intéressant. Et chaque série va comporter 13 épisodes chaque. Ça a dû coûter beaucoup cher, par exemple, à produire. Oui, mais on s'entend que Netflix ont les moyens. Et ils en ont assez. Et quatre séries de même, on s'entend-tu qu'il va y avoir une trollée de monde qui vont s'abonner? Ah, ça c'est oui, mais moi je vous avoue, live là à 8h50 là, le 12 novembre 2013, c'est pas le goût qui me manque. Ben sérieux, ce qui est le fun en plus avec Netflix, c'est lorsqu'ils sortent une série, la plupart du temps, une nouvelle série, bon, ils sortent pas la série complète, mais ils sortent comme quasiment 10-15 épisodes d'une shot. Fait que tu peux l'écouter comme tu veux. Fait que moi, je serais pas surpris, genre, qu'ils sortent les 7 premiers épisodes tout de suite, quand la série va être prête, là. Puis genre, après ça, un mois plus tard, ils vont sortir les 7 autres. C'est ça qui va être le fun, là. J'attends avec impatience. J'ai pas encore commencé Agent of S.H.I.E.L.D., parce que on enregistre pendant que ça joue. Mais de ce que j'entends, c'est quand même pas pire comme série. Fait que je touche du bois pour voir s'ils sont capables de donner une bonne série comme ça. Quatre bonnes séries comme ça sur Netflix, là, ça va probablement amener du monde, puis peut-être apporter d'autres shows qui risquent d'être aussi bons aussi. Là. Alors, là-dessus, ça a fini mes nouvelles, je crois. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre côté? DuckTales Remastered sur le Wii U est sorti retail. Oh, est-ce que tu étais allé chercher une copie? Ben, j'avais déjà acheté la version téléchargeable, ça m'a payé deux fois. Là. Ah, ok. Puis Juste Wii U, par exemple? Hein? Juste Wii U, Jug? Ouais. Parce qu'il était pas supposé d'avoir une version, mais on allait faire des versions en même temps. C'était pas supposé d'avoir une version PS3 puis Xbox aussi. Ou j'ai des patates, là. Ouais, éventuellement, j'imagine. Là. Mais là, au moins, je parle de la version Wii U qui est sortie, là, aujourd'hui. On va prendre 30 secondes pour répondre. Parce que me c'est une version sur disque, là. C'est pas rien qu'un code d'une boîte. Les trois sortaient en même temps. Ça se peut. Mais ça se peut. Fait que d'ici là, on va embarquer côté thème du jour. On a décidé ce mois-ci de parler de la fameuse PlayStation 1. Veux pas, PlayStation 4 sort dans pas long. Je pense qu'il sort quoi en fin de semaine? Il sort le 15, le PlayStation 4. C'est ça, fin de semaine. Ouais. C'est ça. Alors, veux pas, avant de pouvoir toucher à la nouvelle console de PlayStation... Je pense qu'il est bon de revenir dans le temps et de jaser de cette bonne vieille console qui s'appelle la PlayStation 1. C'est quand même un incontournable quand on parle de Sony. Absolument. Tout à fait. Et on peut dire une chose, cette console-là a véritablement changé l'univers du monde du jeu vidéo. On s'entend. Moi, je me rappelle d'un premier temps qui était sorti, là, cette console-là. Là. C'est, elle sortait à peu près en même temps que la Saturn et la 3DO. Moi, ça me dit... C'est-à-dire en 97? 94? Ah oui. PlayStation 1 est sorti en 94. Ça coûtait quelque chose comme, je pense, 400-500 pièces à avoir la console. Mm. Dans ce temps-là, t'avais un jeu... T'avais un démo. T'avais un démo. Okay. J'avais un chum qui l'avait eu genre en 95 là. Ok. Puis tout ce qu'il avait eu c'était un démo genre des premiers jeux puis c'était tout là. Fait que oui, il est sorti en 94. Je pense que mon ami l'avait eu en 95 genre premier gros modèle de la PlayStation 1. À l'époque, elle est sortie à à peu près quelques années après la Super Nintendo. Elle est sortie un petit peu dans le temps de la Saturn. Moi, je m'attendais à ce que Saturn réussisse à gagner à l'époque. Finalement, Saturn s'est fait planter par la PlayStation. Évidemment, la Saturn était quand même une bonne console. C'est juste, ben, pas une console. Avec quand même. Ouais, c'est une bonne console. Ce que je veux dire, c'est la librairie de jeu n'était pas bien écœurante. Non, c'est ça. Il manquait beaucoup de bons jeux sur la Saturn, surtout que la plupart des jeux étaient seulement de la compagnie Sega. Mais surtout qu'on retrouvait les mêmes jeux sur la PlayStation aussi. Ce qui était quelque chose. Qu'est-ce qui était d'original à l'époque? Carte mémoire. Je pense que c'était une des premières consoles qui offrait une carte mémoire séparée. Moi, je sais que la Saturn, c'était une batterie de monde qu'il fallait acheter puis insérer dans la console pour enregistrer nos parties. Oh my God! Il l'avait sur la Dreamcast aussi. Non, ouais. C'était des VMU. C'était pas des VMU sur la Dreamcast? La petite carte mémoire? Des VMU, oui. Une cartouche que tu... c'était une carte mémoire, tu rentrais dans ta manette? Ouais, c'est, ouais. Oui, c'est ça, ouais. Je me souviens, ouais. Tandis que, c'est ça, pour ce qui est de la Saturn, c'était vraiment une batterie de montre que tu rentrais dans le coin gauche de la console. Ben, ça pouvait pas marcher. Ouais. On que les batteries Honda, ça coûte cher en chien. Non, ça me coûtait... Moi, dans le cas de ma Saturn, ça me coûtait 8$. Ah, ça... Mais elle t'a fait pas longtemps, par exemple. C'était pas 30$, toi? Non, ça m'a coûté 8$, mais okay. Ça t'a fait comme 2 mois, là. Moi, je trouvais que ça t'a fait pas bébé long, là. C'était vraiment de la merde. Et également, une des premières consoles, je veux pas, qui apportait le CD. Grande innovation à l'époque. On s'entend qu'une cartouche de jeu possédait pas bébé de mémoire à l'intérieur. Je pense que la Super Nintendo avait quoi, une vingtaine, trentaine de mègres dedans? C'est pas 32, je pense. C'est ça, une trentaine de mègres à peu près. Tandis qu'un CD, t'as 700 mègres. Oui. Ce qui est énorme. C'est un des arguments qui a fait faire le départ de Squaresoft à l'époque vers la Sony, parce que Nintendo prévoyait pas faire plus gros de... Mais prévoyait encore utiliser des cartouches pour la Nintendo 64. Et à cause de ça, ben, Final Fantasy est rendu sur la PlayStation 1 à l'époque. C'est quoi pour vous les souvenirs de la PlayStation 1? Oh my God. Je vais laisser les autres parler parce que moi, je pourrais parler longtemps. Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup de souvenirs. Le truc le plus marquant, là, je pense, ça serait les loading screens. Oui. De mon côté, moi, c'est Castlevania Symphony of the Night. J'ai passé des nuits blanches à jouer à ce jeu-là, mais c'était trop cool. Ça l'est encore cool, d'ailleurs. Ah ouais, non, j'ai des bons souvenirs. Là. J'avais des bons jeux à l'époque. Là. Hey, Jet Moto, là, je me suis fait du fun là-dessus. Twisted Metal, hey, c'était des... Crash Bandicoot, oh my God, quel bon jeu. Mm-hmm. Ah. Dragon Quest 7. Paralady. Écoutez, il y a beaucoup de très excellents jeux sont arrivés sur cette console-là, puis des franchises ont commencé avec cette console-là aussi, oh. Là, on s'entend. Oui. Des excellents jeux. On va parler, vous autres, vous aviez eu le modèle original ou la PS1? Le modèle original. Original. Moi, c'est récent, PS1, parce que j'ai skippé la PS1 vrai, à l'époque. Je suis allé PC à ce moment-là, fait que... Alors, je m'en allais sortir comme joke, c'était tes années d'université, alors c'était la bière qui compte en premier. Ouais, entre autres. Et ça a resté, sauf que là, t'es rendu gamer console. Ouais, mais tu sais, j'ai quand même des souvenirs des jeux de PS1, là, mais c'est arrivé plus tard. Là. Mm-hmm. Qu'est-ce que votre premier jeu que vous avez joué sur cette console-là, vous en souvenez-vous? C'est ça que j'essaie de me rappeler plus tantôt, c'est comme je te dis, le jeu qu'on s'abstenait amicalement, que toi tu dis que c'est une démo. Je pense que tu aurais effectivement raison, c'était une démo, puis le gars s'est juste acheté le jeu par après. Je pense que c'est une affaire du genre... comment te le décrire? C'est un jeu 3D. Ben, j'espère. On sent qu'en tant que jeu 3D, il y a un mouvement 3D, c'était effectivement très polygoné. Et dans le fond, c'était un jeu qui était style Soul Calibur, mais c'était pas Soul Calibur. Battle Arena Toshiden. Comment? Battle Arena Toshiden. Peter Shidan, c'est ça, exactement. Fait que tu sais, quand même, tu passes de Final Fantasy VI, Chrono Trigger, à Toshiden, c'est comme, tu te rends compte qu'il y a quand même eu un gros saut pour côté graphisme. C'est là que tu vois quand même le début du potentiel graphisme que peut offrir la PlayStation 1. Mm-hmm. Jug? Moi, le premier jeu que j'ai joué sur PlayStation, c'était Castlevania Chronicles. Oh! J'ai jamais joué à ce jeu-là encore, je vais vous avouer. Puis c'était chez un de mes chums, puis je trippais PC à ce moment-là, fait que là, j'ai dit « Hey, ils ont refait d'autres Castlevania! » Puis là, je trippais bien raide. C'est le remake du premier. Ben, le premier sur le système, le MSX 68000 machin. Hein? C'est ça, ouais. OK. Qui est disponible en passant, Ben, pour 6$ au PlayStation Network. Ouais, mais je savais pas, c'est ça, je le voyais en fin de semaine, je me disais, ah, oh, je le prends-tu, je le prends pas. Ben, attends, il va encore être là pour un bout. Oh, juste dans le fond, c'est ça qui fait la différence entre le pays digital 6$ et le pays copie physique 100$. Qu'est-ce que tu préfères? La copie physique est bien belle dans ma bibliothèque, en tout cas. Yup! Mais pour 100$? C'est Jock qui me proposait de... Non, c'est Alpha qui me proposait de monter ma bibliothèque plus haute. Alors, là, j'aimerais peut-être lui montrer une belle petite copie, là. Comme, ah, regardez, j'ai ça ici. Mais bon. Tu joues ça à ta minute. Alpha, ton côté, ton premier jeu, t'en souviens-tu? Moi, je me souviens que quand on a eu la PlayStation, j'avais... D'ailleurs, je l'ai encore, ce CD-là. C'était un CD démo. Puis il y avait plusieurs jeux dessus, puis parmi les meilleurs, là, je me souviens de Tekken 2. D'ailleurs, on a tellement aimé le démo, on est allé s'acheter le jeu. Puis je l'ai encore d'ailleurs, ça aussi. C'est un excellent c'est jeu. C'est arrivé la même chose avec Crash Bandicoot qui était sur le CD démo. On est allé l'acheter. Ensuite, même chose avec Jet Moto. Et puis finalement, on avait aussi Rage Racer. Ah ouais, ça c'était là. Pour moi, là, c'était le meilleur jeu de course ever. Là. Premièrement, les graphismes étaient vraiment bien. Ah oui, c'était époustouflant pour l'époque, on s'entend. Ah, puis, moi, je trippais parce que tu pouvais upgrader tes voitures comme tu voulais. Bon, ça se faisait déjà un petit peu sur Need for Speed, mais je trouvais que c'était mille fois mieux sur Rage Racer. Fait que, bref, c'est un jeu-là aussi m'a marqué. Moi, c'était. Mon jeu à moi, c'était Air Combat. Qui est l'ancêtre des Ace Combat qu'on a à Star. Et les graphismes du jeu étaient malades à l'époque. Veux pas se battre en avion 3D, là. C'était quelque chose à l'époque et on tripait réellement. Effectivement. Ah, c'était un excellent jeu Air Combat. Puis comme je vous racontais auparavant dans d'autres podcasts, c'était un des seuls jeux que je connais sur la PlayStation 1 que si tu mets le jeu dans un lecteur CD physique, là, genre dans ta radio, là, tu peux écouter la soundtrack sans problème. Mm-hmm. Oui, ça, c'était cool, ça. Donc, et le fameux coup que je vous racontais, les accros, mettez pas le CD de GTA 1 dans le char, dans votre char et vous passez à côté d'une police, la police va vous regarder croche en maudit si vous mettez la track parce que les polices se parlent. Ils se posent des questions. On s'est fait coller. Eh oui, t'as une copie de Strider 2, mon cher Antithèse. Une copie très rare du jeu. Ah, oh, mon Dieu, oui. La raison en est que, si vous prenez comme celui-ci, ça, c'est le disque de Strider 2. En réalité, il s'agit du jeu d'arcade Strider 1. Mm-hmm. Mais, voici, il vient avec un autre jeu qui, inversement, est marqué Strider 1. Le jeu d'arcade, mais ça reste Strider 2. C'est ça. Alors, c'est comme tu avais dit l'autre fois, Big Ben. Sony a décidé, vous me retirez ça parce que c'est une erreur de copie, c'est inconcevable, blablabla. Bla. Mais ça, c'est plus trouvable. Et c'est plus trouvable, moi j'ai juste pour 55$ au lieu de 125$. Et le 2, il est vraiment bon. Strider 2, c'est un excellent jeu. Excellent, excellent. Mm-hmm. J'y fais attention aussi. Oui. Côté manette, les manettes d'origine, c'était, bon, moi j'ai la manette de la PS1 ici, donc avec deux joysticks dessus. Est-ce que vous aviez joué avec la manette, avec la DualShock première du nom, ou vous avez joué avec l'original? L'original. L'original. Comment vous la trouviez à l'époque? Écoute, c'était quand même, elle avait un confort comparé à la celle de Super Nintendo qui, elle aussi, avait pourtant un confort, mais PlayStation avait une petite coche de plus. J'aime pas le D-pad, le D-pad m'énerve. Le trou dans le milieu, c'est plus chier. Tu m'as dit ça en fin de semaine lorsqu'on s'est fait une game de Street Fighter Alpha 3. Ouais, oh, ça donne mal au pouce, là, c'est l'enfer. Faut dire que le D-pad, il y a un trou qui est au milieu. Puis, une des choses qui fait, c'est que souvent notre pouce se retrouve au milieu et lorsqu'on. Ça vient être très intense, on a mal au pouce après un temps. Il y a ça, par exemple. Ah, ben ça, avec un peu de pratique, le mal. Il est plus là. Là. Que... Ouais, comme le NES. Là, quand ça fait longtemps que tu as joué au NES puis tu rejoues au NES frénétiquement, là, t'as mal au doigt, c'est pas long. Mais... Pas moi. Ben, c'est ça. T'étais habitué. Je m'habitue jamais. Même au nombre de jeux que je joue sur PS1 puis PS2, en tout cas cette année, là, je me suis jamais habitué à cette crise de D-pad de marbre. Sérieux. Là. Ben, je joue plus, tu vas t'habituer. Non, il m'énerve trop. Là. Moi, l'histoire d'avoir un gap là, en plein milieu des quatre pitons, là, ça sert à rien. Juste à part pour t'assurer que ton mouvement soit un petit peu plus précis, c'est tout. Précis mon cul. Non, pas ton cul. Non, sans façon. Et non, mais c'est vrai que, par exemple, pour ce qui est du... Je sais pas, pour les poignets, on dirait que les poignets rapportent un certain confort comparé à celle de la Super Nintendo. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'une meilleure prise en main... La meilleure prise en main fait que la paume de ta main est plus reposée, est moins stressée. C'est vrai. Puis également, moi j'ai la version DualShock 1 qui est la première manette vibrante de la part de PlayStation qui était la réponse à l'époque de la Rumble Pack de 64. Oui. Moi je trouvais que c'était un Christy Go rip-off. Bon, j'entends à chaque fois que je vais dire rip-off, je vais entendre un bruit de Windows, c'est ça? Peut-être. Ok. Ok. Non, c'est ça, c'est... J'ai perdu le fil. Mais non, c'est vrai, le Rumble Pack à l'époque il était génial, c'était la grosse idée. Puis quand PlayStation ont vu ça, c'est qu'on fait « Oh fuck, faut qu'on sorte une manette ». Et la réponse a été à DualShock. Et il n'y a pas beaucoup de jeux, je trouve, sur PlayStation 1 qui l'utilisent, cette feature-là. Pas tant que ça. Comparé à Nintendo, je trouve qu'il y en a beaucoup moins. Il a fallu qu'ils sortent des jeux genre comme Resident Evil 2 version DualShock. Ça, je m'en souviens. Oui. Et alors, à l'époque, c'était ça qui se passait avec la PlayStation. Sinon, à part ça, est-ce que c'est une des premières consoles que je me rappelle, moi, qu'on pouvait pirater facilement? Oui. Oui, c'était facile au bout. Très facile. T'as à commander pour 30$ une mode chip. Pis... T'as même pas besoin. Puis tu peux jouer à des jeux comme cette pièce de collection japonaise. T'as juste besoin d'un action replay. Puis tout. Marche pas toujours l'action replay, Charmé. Ah, à date, ça m'a pas failé. Là. Je sais qu'il y a certains jeux qui passent des affaires de protection durant la game. Je me rappelle plus lequel. Mais je sais Dino qu'il y a. Dino Crisis en est un d'entre eux. Mm-hmm. Oui, je m'en souviens qu'il avait. Ils sont tout connus pour ça, en fait, plus que en tant que bon dérivé de Resident Evil. Ben là, bon, c'était discuté, là. Mettons que la série est pas mal morte, là. Là, c'était avec raison. Non, je me contredis pas, c'est juste le fait qu'il faut quand même reconnaître que Dino Crisis a un certain fanbase, que ouais. Des gens l'aiment bien. Mm-hmm. Est-ce que vous aviez également pucé votre console, vous autres? Moi, pour pouvoir jouer, comme je l'ai dit, à mon jeu japonais de Castlevania, oui. J'avais l'intention de m'acheter d'autres jeux japonais. Parce que c'était grand dans le temps, c'est que j'y trouvais également beaucoup plus anime. Alors, je voulais en savoir de plus en plus sur la culture japonaise et tout le pataclan. Malheureusement, les seuls jeux que j'ai pu avoir accès pour jouer en japonais, c'était... Le Castlevania que je ne cesse de mentionner. Oui, je l'avoue, j'ai eu beaucoup de jeux piratés. Ça, c'était à défaut de les acheter. Et vous savez quoi? Je les ai achetés plus tard. Toute la gang. Fait que celui qui me traite de valeur, ben, guess what? Je les ai rachetés. À ça, j'ai la copie légale physique, fait, dans mon temps. Moi, je sais racheter du karma. À peu près, oui. Moi, j'ai la... Voyez-vous, ce PS1-là, c'est l'inversé de celui à Giger qui m'a vendu. Même mon ancien PS1 n'avait pas de chip dedans. Je sais pas pourquoi. C'était comme on dirait que j'avais la chienne qu'un agent de police passe chez nous pour dire « Hey, t'arrêtes parce que t'as copié le jeu. » À l'époque, j'étais jeune et con. Qu'est-ce que tu veux que je vous dise? Mais celui-là, il est poussé, puis j'ai pas acheté de jeu. Ben, j'ai pas fait de jeu encore copié. Je vous avoue qu'on n'expliquera pas comment le faire ici. Je pense que vous allez pouvoir le trouver facilement sur Internet. Mais non, c'est probablement c'est une des premières consoles que je me rappelle qui était facilement modable et que vous pouviez faire à peu près n'importe quoi avec ça. C'est ce qui était cool à l'époque. C'est aussi, c'était ironiquement ce qui a fait autant sa popularité que la popularité de la PS, de la PlayStation Portable, mais ça, on en parlera un autre tantôt, j'imagine. Un autre fois. Ouais, c'est ça. Un autre jour. Souvenez-vous de vos un pire jeu. Mettons, là, si je vous demande à chacun de vous, votre pire jeu, vous avez joué sur cette console-là. Ah, oh, shit. C'est de nommer qui va m'être personnellement difficile, parce que, dans le fond, je... Clock Tower 2 avait un excellent potentiel, mais quel jeu de merde. Silent Hill. Fuck you. T'aimes pas Silent Hill? Non, hostie, contrôle de merde, caméra de merde. Non, sérieux, la première fois que j'ai joué Silent Hill sur PlayStation, j'avais envie de pitcher le CD et puis faire un frisbee avec. Ok. Au lieu de cela, t'en as fait un sous-vert. Non, il est juste, il reverra plus jamais la lumière du jour là. Ok. Alpha, de ton côté? Sais-tu, aussi bizarre que ça puisse paraître, quand j'avais la PlayStation 1 étant jeune, je ne me souviens pas avoir été marqué par la médiocrité d'un jeu. Eh non. C'est aujourd'hui que je cherche les jeux de merde sur la PlayStation 1. j'en trouve beaucoup d'ailleurs, mais à l'époque, non, je sais pas. Mes parents avaient le don de m'acheter des bons jeux. C'est bon. Merci, ouais. Parents à Alpha. Ils t'aiment. Ils ont pensé à toi, puis ils pensaient pas que tu allais revirer aussi différent. Ben non, c'est une joke. Un jeu que j'ai vraiment détesté, moi, je vous avoue franchement, Alone in the Dark. Lequel? Je pense que c'est le troisième ou quatrième. Quatrième. Donc c'est le quatrième de New Nightmare. J'ai pas aimé. J'ai vraiment pas aimé. J'ai pas eu de fun. J'ai joué pendant peut-être une demi-heure, 45 minutes. J'ai vraiment pas trippé. Je sais pas, le jeu c'était... Non, pas grave. Le gros problème de Alone in the Dark de New Nightmare, c'est son manque de consistance. Puis c'est quoi la bullshit que tes ennemis respawn comme quasiment à l'infini, de un puis de deux. Quand tu tires une balle, ben en fait t'en tires deux. Ouais. Ah, puis on peut continuer là. Mm-hmm. J'essaie de penser à ma question. Avez-vous rejoué récemment des jeux PlayStation 1? Souvent. Moi, je te dirais que comme j'ai mentionné tantôt, Pocket Fighters, qui était un de mes jeux préférés de PlayStation. Est-ce que c'est facile pour toi de rembarquer dans un jeu PlayStation 1? Sincèrement, oui, parce que je te dirais que c'est la PlayStation 1 qui, avec laquelle j'ai le plus d'affinité, que je me connecte le plus facilement. Soit 1, 2 ou 3, mais pour moi, c'est facile de revenir à PlayStation 1 parce que j'ai plein de jeux PlayStation 1 que j'ai adoré, comme Castlevania, Pocket Fighter, Nightmare Creatures, Parasite Eve, and so on and so forth. Jug, ton côté? Récemment, hein? Mm-hmm. Qu'est-ce que j'ai joué? J'ai rejoué à Symphony of the Night, là. Puis t'as on pas stand bien... pas, hein, de jouer à ce jeu-là. Non, on stand pas, mais... Ouais, non, c'est vrai, il n'y a pas de mais. OK. Puis le graphisme, type sur certains jeux, est-ce qu'ils te repoussent ou... Ben moi je pense que la plupart des jeux qui utilisent du 3D PlayStation ont mal vieilli. Ouais. Malheureusement. C'est la même chose pour Nintendo 64. Là. En marque, là, les jeux 3D ont mal vieilli. Là. C'est laid à mourir. Là. Et ça regarde des jeux 8 bits ou 16 bits qui aujourd'hui sont encore beaux à regarder comparativement à des jeux 3D sur PlayStation 1 là, qui sont de la merde. Ou visuellement. Là. Dans le temps, c'était super hot. On est. C'est hot, c'est full réaliste. Là, mais aujourd'hui, tu dis on dit que ça a mal vieilli. C'est laid. T'sais. Est-ce que tu penses la même chose dans Antithèse? Absolument, parce que après tout, Sony et les compagnies à qui faisaient affaire est encore en phase expérimentale pour la gérance de graphisme sur console maison. D'autant plus que Sony était beaucoup plus ouvert que Nintendo à ce niveau-là également. C'est pourquoi on a la librairie de jeux PlayStation 1 qu'on a et elle est énorme. Effectivement, énormément de jeux plus PlayStation 1. Surtout vers la fin, il y avait tellement de petites compagnies qui essayaient de sortir des jeux. Tu penses à, par exemple, un jeu que tu as critiqué, Jog, Pong. Ouais, mon Dieu. C'est sorti à la fin de vie de la console, là, on s'entend, là, c'est sorti en 2000. Oh my God! Bien. C'est quoi cette merde-là? Je pense que ça s'est senti durant mon vidéo. Oh que oui. Ouais. Et avec raison, ça avait de l'air horrible. Ça l'était. Pourquoi? Oui, on pense à toi, Jog, là-dessus. Bien, c'est que j'ai la version Game Boy Color aussi. Et tes cellules, c'était pas la version Game Boy Color, ça avait de l'air de quoi? C'était aussi mauvais? C'est encore aussi mauvais. T'as envie de pitcher ton Game Boy dans les murs, là. Combien violent t'es avec tes jeux, toi, potentiellement? Hey, c'était le monde qu'on faisait dans les années 80. C'est... Jeu de frustré, tu prenais la cassette, puis t'as crissé en bas des escaliers, puis tu disais « Colin, t'es jeu de merde! » Puis tous tes parents ne grondaient pas pour ça? Hein? Non. Tabarnouche, c'est ce que je veux de tes parents. Non, tu penses-tu qu'ils étaient là quand je faisais ça? Alpha, de ton côté, je vais te reposer la question, t'étais pas présent. Ouais. Est-ce que t'as rejoué récemment des jeux PlayStation 1? Oui. Est-ce que tu as eu un petit peu de misère avec les graphismes du jeu? Ah oui, écoute, c'est migraine automatique, je te dirais. Écoute, bon, faut dire aussi que je cherche les mauvais jeux, fait que je cours après un petit peu, là. Mm-hmm. Mais, ouais, pourtant, quand j'étais jeune, ces jeux-là, j'ai trouvé awesome, autant, là, ces jours-ci... quand je cherche les mauvais jeux, là, autant je regarde les graphismes, puis je fais « What the fuck, man? » On dirait... J'ai vraiment l'impression que, dans le fond, je trouve que les graphismes du NES et du Super Nintendo sont de loin mieux que le PlayStation. C'est en plein. C'est ce qu'on vient de dire. Ah ouais, OK. Ben oui, les graphismes des NES, Super NES, ça vieille idée. C'était beau, c'était cartoony, 2D, c'était simple. Là, le simili 3D du PlayStation 1 vers bout, là, ouf. Mal de tête. Carré par carré, là. Ah oui, avec la caméra qui fait n'importe quoi, là. Ouf. Puis, c'est pas toujours facile, mettons. Tu sais, tu vois que les programmeurs, ils ont appris avec le temps. Lorsqu'on jouait à des jeux PlayStation 2 à Star, on a des excellents jeux, là. Puis on parle de deux générations avant, là. On pourrait t'en trouver qu'il y en a qui n'ont pas compris leur leçon, là. Mais... C'est sûr. C'est sûr. Ben, tu sais, je te compare, par exemple, Medal of Honor sur PlayStation 1 puis un Medal of Honor sur PlayStation 2. Tu vois la différence graphique entre les deux là. Ah, c'est sûr. Mais. Puis la version PlayStation 2 est encore belle là. Tu sais, oui, il y a plein de défauts. Je m'accorde avec vous autres. Okay. Mais. Je parlais plus de la caméra. Mais... Ouais, la caméra est mauvaise. Même aujourd'hui là, sur PS3 puis Xbox, les caméras là, c'est pas tout le temps l'idéal. Non, vraiment pas. Si je vais commencer avec Antithèse, yes. Parle-moi de tes jeux préférés sur cette console-là. Moi, juste pour contredire un peu le joke, c'est sûr que je te dis que Silent Hill demeure mon jeu préféré sur PlayStation 1. C'est sûr que moi également te dis que Castlevania Symphony of Night est mon numéro 1 sur PlayStation 1. Ok. J'ai encore un grand amour pour le premier Paradise Eve. Qui est, ouais, j'avoue qu'il est très très bon. J'y écoute, je suis tiré d'être un des rares, mais je déteste pas Paradigm F2. C'est juste qu'il est juste lent, il est juste très lent à démarrer avant de te mettre dedans, dans le cas de Paradigm F2. C'est juste ça. Resident Evil, écoute, Resident Evil, c'est là qu'est sorti ce qui était une des meilleures franchises de jeux vidéo, du moins années 90 puis début années 2000. Mm-hmm. Fait que c'est ça. L'origine première de PlayStation, première de Resident Evil 1. Fait, puis je m'arrête là parce que, tu sais, quand je disais tantôt que je peux en parler longtemps, là. Oh, oui. C'est ça, ça me tente pas de commencer, ça me tente que les accrocs s'expriment, là. C'est pas juste ma voix là, qui est intéressante là, dans le podcast. On essaie de faire des podcasts d'une heure et demie, alors on va essayer de te limiter ça. Jack, de ton côté? Ben, moi, là, c'est évident que c'est Dragon Warrior 7, ça c'est certain. Pourquoi t'as accroché à ce Dragon Warrior-là? Ben, moi, j'ai accroché à tous les Dragon Warrior. Hein. C'est pas ceux-là, spécifiquement. C'est parce que c'était Dragon Warrior, là. Fallait que j'aille Dragon Quest, là, pis c'est moi, c'est le jeu qui m'accroche, là. Et puis c'est un Christ de long jeu, là. Je finis pas ça en une semaine, là. Moi, j'ai jamais touché encore. C'est peut-être le Dragon Quest le plus long que j'ai jamais joué de ma vie, là. À ce point-là? Ah oh, oui, c'est crissement long. Il faut que t'aies du temps en titi. Et on sait qu'on cherche le temps à rentrer à notre âge. Ah, ouais, c'est sûr et certain. Là. Puis, en tout cas, pour le finir, ça m'a pris. Je veux même pas calculer le temps que ça m'a pris. C'est quasiment incroyable. Là. C'est le RPG le plus long que j'ai jamais joué dans ma vie. Là. Ok. Puis, à part ça, les autres jeux, ben, Castlevania Symphony of the Night, bien sûr. Mm-hmm. C'est comme un énorme. Je pense que c'est un must pour tout le monde. Quel autre jeu que je pourrais dire que j'ai bien aimé? Ben. Non, mais c'est, écoute, j'ai pas beaucoup de jeux de PlayStation 1, remarque, là. Fait que, parce que je sais pas, la console m'attire pas tant que ça. Là. Mais okay. C'est surtout que je gravite autour des franchises connues. Ok. Alpha, t'as eu la chance de pouvoir expérimenter avec beaucoup de jeux de PlayStation 1 de ton côté. Parle-moi de tes préférés. J'aurais tendance à dire égalité entre Twisted Metal 2 puis Crash Bandicoot 2. Ah oui? Et moi, je me rappelle surtout de Crash Bandicoot par rapport à la publicité. La publicité? Oui. Il était baveux. Juste de le voir passer, le personnage, un gars habillé en mascotte de Crash Bandicoot devant les bureaux de Nintendo, puis dire « Ah ouais, Mario, sors de là, viens te battre! » Il faut être baveux, puis ça a marché. C'est vraiment cool. C'était vraiment cool. Puis, dans le temps, on disait que Crash Bandicoot était la mascotte de PlayStation. Mm-hmm. Ils ont vendu les droits de Crash Bandicoot à Universal, puis depuis ce temps-là... On n'en entend plus vraiment parler. Hein? C'est de la vraie merde. Ouais. C'est de la... Mais en tout cas, j'ai joué au dernier jeu qui était sorti sur PlayStation 2. Là. Ouf, là là, c'est vraiment mauvais. T'en as-tu d'autres de ton côté? J'ai plein d'autres bons souvenirs là, sur tous les jeux que j'ai nommés tantôt. Là. Tekken 2 aussi. Hey, je connaissais tous les bonhommes par cœur avec tous leurs moves. On avait tout unlocké. J'étais rendu une bête. Mais... je pense que j'étais un peu comme anti-stage. Je pourrais raconter beaucoup de bons souvenirs avec beaucoup de jeux. Ok. Et ben, je vais y aller de mon côté. J'en ai amené quelques-uns avec moi en plus pour pouvoir vous en parler. Bon, ben, comme tout le monde, Castlevania, je veux pas, c'est quand même c'est un des meilleurs Castlevania jamais sortis. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était une pièce de collection qu'il fallait avoir dans sa collection. Un jeu que j'ai joué avec mon frère, puis j'ai vraiment accroché, puis j'ai joué récemment, puis j'ai eu du fun, c'est le fameux Driver, qui est une série qui a, comme, oui, planté, solide. Mais j'adorais ça à l'époque, c'était cool. Tu pouvais te promener où tu voulais, t'avais des missions, fallait que tu sois. Driver? Oui, Driver. Tu pouvais avoir des missions dans Driver. Hmm? Tu dis que tu pouvais avoir des missions dans Driver. Ben, c'était fait en mission, là. Tu pouvais partir dans la ville où tu voulais, comme ça te tente, mais tu avais le jeu original, tu avais des missions. Un peu comme GTA, dans le fond. Un peu, sauf que tu n'as pas de gun. Tu peux pas sortir de ton char dans le premier. Dans le 2, tu peux aller voler d'autres chars, mais ça ne servait pas à grand-chose. Mais dans le 1... T'avais ton char, fallait que tu y fasses attention, fallait que tu fasses ta mission, fallait pas que tu te fasses poigner par la police. C'était quelque chose à l'époque, c'était vraiment bon. Sinon, pas ça, Resident Evil, il faut toujours en parler d'un en particulier. Moi aussi, je vais y aller avec le 3. Simplement parce que, écoute, je pense que c'est l'ultime Resident Evil sur PlayStation. C'est un des meilleurs mieux faits. Les côtés graphismes, ils sont vraiment beaux. Puis ils ont bien vieilli. Ils ont très bien vieilli encore. Sérieusement, ça vaut la peine. Vous savez, à l'époque, j'étais un gros joueur de RPG. J'en ai amené deux avec moi. Veux pas, c'est le classique des classiques. Je pense que le monde capote encore là-dessus après tant d'années. On parle de Final Fantasy XVII. Black Box en plus que toi, hein? Hein? Oh, ben, j'ai la boîte originale, ouais. Alors, oui, c'est quand même un... Oui, Jog dit qu'il est overrated. J'avoue que c'est overrated. Pas... Moi, je trouve pas qu'il est... Il est plus simplifié, je l'avoue, mais j'aime bien l'histoire. Moi, j'aime bien l'histoire, mais c'est pas le meilleur Final Fantasy, selon moi. Non! Non! Mais je vais vous parler d'un autre Final Fantasy qui est bon, puis qui est souvent oublié. Tactique. Ah oui, ça c'est cool. Final Tactique, il est souvent oublié par les gens. Puis oui. C'est un excellent jeu. C'est dommage, ouais. Il ne devrait pas être oublié. Il ne devrait pas être oublié, puis à pas confondre avec les éditions Game Boy Advance et DS. C'est pas la même affaire. Il est vraiment bon celui-là. Ça n'a pas rapport pantoute à ce qu'on nous a présenté dans les suites qui étaient sorties après. Ok, parce que c'était des suites. Non, la Game Boy Advance, et DS, c'est, ça se passe dans le monde d'Ivalis, mais c'est dans un monde à part, ça comme, par rapport, tu sais, tu retrouves là-dedans des races, comment dire, tu sais, t'es un enfant dans le monde moderne qui se ramasse dans un livre, c'est ça l'histoire Advance. D'accord. Puis t'as pas d'arbitre dans celui-là qui arrête pour dire, hey, t'as pas le droit d'utiliser de rapière, ce qui était stupide. Totalement stupide. Puis, dernier jeu, j'ai essayé de trouver des jeux d'action. Puis, oui, j'ai vu sur le chat qu'on parlait de Medal of Honor, qui est quand même une bonne série, je vous l'accorde, c'est vraiment bon. Mais, pour moi, une série que j'ai bien aimée à l'époque, c'est Siphon Filter. Ah oui. D'action. La réponse de Silent Hill de la part d'une compagnie américaine. La réponse de Silent Hill? Ce que je veux dire, c'est que c'est la compagnie qui est 989, c'était leur version de... Si c'est Silent Hill, je veux dire Metal Gear Solid. Oh, ah, ok. Bon, la différence. J'ai pas mis Metal Gear parce que pour moi, j'ai un peu plus de misère à jouer sur la PlayStation 1. Je sais pas pour le graphisme du jeu que Snake, il est. Je le trouve laid sur PlayStation 1. Je suis pas capable. Mais, ah, c'est vrai, je suis pas capable. Puis, tu sais, moi, j'aime mieux la version GameCube du jeu que la version PlayStation 1. Puis, je sais que le monde écoeure la version. Oui, je trouve que la version GameCube est beaucoup plus belle. Puis, je me fous du bullet time. Je m'en fous comme l'an 40, là. Mais j'aime mieux la version GameCube. Ah oui, j'aurais oublié de parler de ça. Les loading time. Je pense qu'il était un feature dans la machine. Ça vous a-tu fait chier à l'époque? Écoute, je me souviens, j'avais un jeu, Moto Racer, ça s'appelait. Puis, entre chaque game, là, c'était du loading screen à n'en plus finir. C'était long, c'était monotone, bref, on se faisait chier. Puis, tu sais, c'était encore plus long parce que tu te dis, OK, quand c'est fini, je commence à jouer, là. Fait que t'avais hâte de jouer, là. Fait que là, ah ouais, il finit, asti, je veux jouer. Puis là, ça finissait plus. Fait que là, tu pétais ta coche. Fait que là, t'attendais. Fait que là, tu pétais encore plus ta coche. Fait que là, bref, oui, non. Beaucoup de loading screen. C'est qui était, dans le fond, le plus gros désavantage de PlayStation comparé à Nintendo 64. Oui, je suis de cet avis. Ouais, mais le plus drôle, c'est que dans la 64, il y a encore des jeux avec des loading screens, hein. Moi, je pense... 007, World is not enough. Il y a un loading screen. Je vous le jure. Ah, fait que t'as deux choix. Soit que le jeu est lourd en lui-même, soit que les compositeurs ont hyper mal codé leur jeu. Le loading, il est pas si long que ça. Je pense qu'il dure 5-10 secondes. Mais t'as quand même une barre qui monte dans le 64. Quand j'ai joué à ça, j'ai fait... Hein? Un peu comme Batman Forever ou Super Nintendo. Battle for Evil Super Nintendo et je pense même Super Mario 64 là cette barre là. Excusez, je viens d'avoir un mauvais pressentiment. Un mauvais souvenir. Tant qu'on ne donne pas Super Mario 64 comme dans l'échange de cadeaux, là, on est correct. Non, j'ai reçu le jeu de l'échange de cadeaux. J'ai reçu l'affaire du 60, de l'échange de cadeaux, puis ouf. Vous allez savoir ça dans un mois, les accros. Yep. Quelque chose aussi que j'aimais à l'époque, c'est lorsque vous aviez un jeu qui était pas mal plus gros, vous avez eu plusieurs CD. Oui. C'est drôle à dire, hein, mais tu sais, quand tu jouais par exemple à Final Fantasy 9, tu insérais ton troisième disque, tu savais comme tu étais rendu quasiment aux trois quarts du jeu. J'aimais ça, ce feeling-là. Hein. C'est extrêmement drôle dans le cas de Final Fantasy 9 parce que quand t'es rendu. Tu t'aperçois quand même relativement rapidement que quand tu faisais le troisième jeu, justement, ben en fond, t'as pas fait le trois quarts de jeu, t'as fait ta moitié de jeu, en fait. OK. Dans le cas. Comment je faisais ça? C'est qu'en fond, c'est assez abstrait la séparation des disques. Des fois, tu peux comme exemple faire justement un inverse Final Fantasy 8. Tu pouvais. Le premier disque pouvait durer des heures et des heures et des heures, mais les disques 2, 3, 4, pas tant que ça. Mais c'est parce que t'avais beaucoup de cinématiques. Oui, effectivement. Ça fait que ça bouffait énormément de place. Ah, c'est sûr. Pour en finir avec le podcast, et avant d'aller voir ce que nos fans nous écrivent sur YouTube, est-ce que vous achèteriez encore une PlayStation 1 à l'époque, en ce moment? Ben moi je l'ai faite récemment, fait que oui, ça doit. Ça vaut encore la peine? Ben oui, si tu peux la trouver pour 3 piastres au Village des Valeurs. Là. Ça coûte mal. Ça se trouve assez bien une PS1. Oui. Moi j'ai la PlayStation normale et j'ai aussi la PS1 Slim dans sa boîte. Mm-hmm. T'es assez content d'avoir tout ça. Puis t'es pas. Continue, ça. Vas-y, PL. Non, ça continue. J'ai interrompu, j'ai mauvais timing. OK. Mais ce qui est le fun aussi, c'est que vous n'avez pas besoin de la console, hein, tant que tel. Si vous avez une PlayStation 2, vous allez pouvoir jouer également au jeu PlayStation 1. Oui, mais c'est pas grave. PlayStation 3 aussi, là. Fait que c'est ça qui est le fun. C'est moins vraiment que t'es collectionneur, t'as vu pareil, la console. C'est sûr. C'est sûr. Mais au moins, si vous voulez juste avoir des jeux, vous pouvez quand même facilement vous en procurer sans aucun problème. Alors, là-dessus, on va aller voir ce que le monde nous jase sur YouTube. Alors, ici, j'ai hier exemple, j'espère que je dis bien ton nom. Il dit que From Mission 3 et Vagrant Story sont des musts pour PlayStation 1. On me parle aussi de jouer à Valkyrie Profile, mais j'ai jamais joué. Valkyrie Profile est également un jeu magistral qui est maintenant devenu un culte classique également très rare. Mm-hmm. Je sais pas si vous autres avez joué à Valkyrie Profile. Là. Non, j'ai pas joué. C'est un JRPG assez cinglé. Ok. Il y en a un faire pour, dans le même style de JRPG, Tale of Destiny. Que je pense que Jug n'aime pas d'ailleurs. Quoi, Tales? Il a essayé des Tales? Non, mais je parle. Ouais, mais Destiny, celui au PlayStation 1. Ah, j'ai jamais joué, je peux pas. C'est un autre jeu qui est excellent. Le problème, c'est que si tu veux avoir Tale of Destiny, ben il faut. Prépare-toi à payer entre 100 et 200$ pour l'avoir maintenant. Yar dit aussi le pire loading time sur PlayStation 1 c'était Tactic Ogre. Ah, tellement vrai ça. Mm-hmm. C'était dégueulasse. Ça, je m'en souviens. Un autre qui était horrible comme loading time c'était Mortal Kombat Sub-Zero. Ah, ça, mon dieu. Mon dieu. Les loading times ça comptait pas en secondes, ça comptait en minutes. Ok. C'est à ce point-là. À ce point-là. Et on a aussi Tijouin qui dit Medal of Honor, la série au complet. Il dit qu'il a bien aimé ça. Medal of Honor, c'est bien, mais rejouer à Star, je t'avoue que tu trouves que les personnages sont vraiment cons. C'est un problème qui, dans la plupart de tous les FPS, veut pas l'intelligence artificielle n'était pas aussi. Moi, je trouve qu'elle n'était pas aussi évoluée qu'elle est à Star. Puis tu te rends compte que souvent tu connais un petit peu comment le personnage va réagir, puis tu es capable de savoir où tirer. Alors, là-dessus, c'est ce que le monde vient de nous jaser sur Facebook, sur YouTube, désolé. Merci beaucoup, tout le monde, d'être venu. Antithèse, comment on peut te rejoindre sur les internets? On peut me rejoindre par le par l'entremise du courriel antithèse, antithese, @gmail.com ou yahoo.ca. On peut me suivre sur Twitter sur antithèse16, S-A-Y-S. Bien entendu, on peut aussi me contacter par ma chaîne YouTube à AntithèseSeg. Il me fera plaisir de lire vos emails. Mais savez-vous que c'est qui ferait encore plus plaisir que tout ça encore? C'est que vous venez me rejoindre sur le forum des accros des jeux sur accrosdesjeux.com de vous inscrire et de participer aux conversations tout intéressantes qu'amusantes qu'offre le forum des accros. Juste un gamer, comment on peut te contacter via sur Internet? Vous pouvez toujours venir sur ma chaîne YouTube, vous abonner à mes vidéos et laisser des commentaires. Et vous pouvez aller sur la page Facebook de Juste un gamer. Et bien sûr, allez sur le forum d'accrosdesjeux.com. On vous attend. Tester Alpha, comment on peut te rejoindre sur Internet? Ben, vous pouvez me trouver pas mal n'importe où, soit sur YouTube, Facebook, Twitter ou encore la meilleure des façons, sur le site des Accros des Jeux. Je fais mon tour quotidiennement sur le forum, donc c'est pas les moyens de me contacter qui manquent. De mon côté, il y a plusieurs façons de pouvoir me contacter personnellement. Il y a le Facebook des Accros des Jeux, facebook.com/accrosdesjeux. Il y a également le site internet des Accros des Jeux, accrosdesjeux.com. Il y a également le Twitter des Accros des Jeux, @commercialaccrosdesjeux. Il y a également le courriel des Accros des Jeux. Je remercie beaucoup monsieur. Désolé, je cherche rapidement son nom. Désolé, Philippe Saint-Jean, merci de nous avoir écrit. Je vais te répondre sous peu. Merci beaucoup de nous avoir écrit. Vous pouvez m'envoyer des commentaires ou des suggestions également sur le courriel des Accros des Jeux. Et tant que vous ne m'envoyez pas une demande, comme M. Ching Wan Chang, qui me dit « Dear friend, I solicit your assistance at NST to move investment profit fund worth 48.8 millions de dollars from my bank. » I wish to seek your consent before sending more detail. Il est donc bien crosseur, lui. Ah ouais, écoute. Il a eu le même email, puis il m'a aussi appelé Dear My Friend. Quel traître. Oui, mais hein. Écoute, je me sentirais la même affaire que toi. Mais écoute, je pense qu'il m'aime plus que toi. Crève, Wing Chun Chun, crève. Alors là-dessus, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et restez cette semaine à l'affût sur la Cour des Jeux. Il y aura des nouvelles vidéos et des articles qui s'en viennent prochainement. D'ici là, c'était le Big Ben. Antithèse. Juste un gamer. Et Alpha. Pour le podcast des Accros. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. À la prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye.